passionné dans notre histoire, à trop rêver ou à trop y croire, je m'inventais de faux espoirs. Pour toi, ce n'était qu'un jeu, et tu n'y voyais rien de sérieux. Moi j'avais des sentiments, je croyais tellement qu'avec du temps, tu l'apprendrais à te suffire de moi seulement. L'amour a des lois, compte comme un pas comme ça, et toi tu ne m'aimais pas. Trop en faire pour te garder. Tu n'avais plus rien à gagner. À trop me taire, tout céder. Tu as fini par te lasser. Seulement.